La cicatrice. Une croûte assez laide est sur la cicatrice. Jeanne l'arrache et saigne, et c'est là son caprice. Elle arrive, montrant son doigt presque en lambeau. « J'ai, me dit-elle, ôté la peau de mon bobo. » Je la gronde, elle pleure, et la voyant en larmes, je deviens plat. « Faisons la paix. Je rends les armes, Jeanne, à condition que tu me souriras. » Alors la douce enfant s'est jetée en mes bras et m'a dit, de son air indulgent et suprême, « Je ne me ferai plus de mal, puisque je t'aime. » Et nous voilà contents, en ce tendre abandon, elle, de ma clémence, et moi, de son pardon.